Chaque souffle figé, raide ce qu'il charme, ses murmures dominent. La foule succombe, la glace s'incline. Ton nom gronde au cœur des fissures. Chaque note pèse, chaque désir perdure. Je respire ta voix, je brûle. Je sombre, chaque soupir m'enchaîne. Chaque voix s'éteint. Raide ce qu'il règne, ses paroles m'enflamment. La foule succombe, happée dans les flammes. Ton souffle glace, ton nom m'envahit. Chaque frisson hurle, prisonnier de la nuit. Je murmure ton nom, je brise le silence. Chaque mot me lit dans la décadence. Whisper deep of frozen fire, ride a skill, drags us higher through the ice, worlds glide, apocalypse burns inside. Enchaîne encore. Chaque cri s'efface, chaque souffle dévore. Raide ce qu'il charme, son nom m'obsède. La foule s'écroule, la glace se cède. Ton ombre ronge, ta voix me brise. Chaque mot s'imprime, chaque souffle s'aiguise. Nos voix s'élèvent, les chaînes se ferment, chaque soupir nourrit la tempête éternelle. La glace sur le monde s'effondre, chaque note frappe, chaque cri succombe. Raille de ce qui règne, sa voix s'élève. L'apocalypse tremble. S'achève. Ton souffle consume, ton nom enchaîne. Chaque murmure grave une peine. Whisper deep of frozen fire, ride a scale, drags us higher through the ice, worlds collide, apocalypse burns inside. Nos voix persistent. Chaque souffle grave et chaque cri existe. Ride a skill shot. son nom demeure. La glace s'effondre, guidée par son ardeur. Chaque mot s'éteint, chaque souffle s'épure. L'apocalypse chante et le froid perdu. Bop, bop.